Cajun Meats. Oh, écoute, mes amis, tu parles la bonne affaire que tu vas trouver avec Leroy et Donna Fontenot au Leroy's Cajun Meats. Ça, c'est West Main, à la ville plate, collé après T&J Ford. Et ils sont ouverts 7 jours par semaine, 7 heures du matin à 9 heures du soir. Et puis, un des meilleurs assortiments de viande que tu vas trouver tout partout dans le territoire. La viande fraîche, la viande salée, de la viande boucanée, les grillades à mariner et toutes les différentes qualités de viande boucanée. Aussi, si vous voulez ordonner votre viande, les spéciales pour les repas de jour de Pâques, n'oubliez pas de venir voir Leroy. 363-2231, leur numéro de phone. N'oubliez pas, sur les dimanches, c'est les plate lunch de barbecue. Et puis, ils ont tous les jours les plate lunch du jour, du poulet frit, des ailes, des dindes, fried Boston butt, chicken tenders, stuffed jalapeno peppers et beaucoup, beaucoup d'autres. Et là, n'oubliez pas que ça vend les écrevisses de la Louisiane aussi de là. Ça se fait, ça c'est le Leroy's Cajun Meats.